commence nous qu'à mettre en route. Entre battu pour les dames tous les mercredis. Bingo dans la même semaine, soyez nombreux. Gene non masala et yo badi bouga yo yo te kavini danse et yo vina ver on d'autres. Et même quand la cabine rive j'aime garçon là. Ah bon babalo. Mademoiselle m'en parle pas, vous savez très bien qui n'en mouni. Savez y'a plus avec ta plume. Pour les familles et demoiselles, bingo les mardis par si. Bingo les jeudi par là, audio gai monte tout, en ambiance à Yula. La rentrée ka ou ka voie, j'ai n'a mal la rade en mauvaise posture. Mais on gai déchirer les ailes, déchirer pour aïe. A vous tout seul, oui, mademoiselle, miroir et ton soirée pour vous. En plein samedi à minuit, est-ce que c'est normal? C'est la première fois qu'on voit ça. On dirait des voix sauvages. Qu'à moins qu'à t'en là, qu'à moins qu'à voir là. Patron là qui qu'a sorti, qu'à y mettre en monde des voix. Pas pour tard, mademoiselle, vous gardez ça qui vient arriver. Ma vraie message, moins porté pour vous. Éclairez, moins éclairez. Toujours chanter pour la paix, la joie et la gaieté. Ote mon nano, pour ça qui cabine, pour ça qui popola, pour ça qui ka grandi. Mademoiselle la rentre à casa, rien qui s'y sait et médite. Réfléchis à ça, fait là, pour vrai, j'en vous rabis. Arrêtez ça.